Est-ce que vous l'avez vu, la publicité? Vince, est-ce que tu l'as vu? Non. Les auditeurs, ça, c'est peut-être... Moi, je l'ai vu là, pour la première fois hier. Ils s'embrassent. Parce que là, c'est un party de filles. Puis là, c'est une femme qui rentre, une belle fille qui rentre à la maison chez elle. Puis c'est marqué, chérie, viens me rejoindre dans le salon. Et là, elle est toute contente. Là, elle arrive dans le salon. Puis là, c'est un party, c'est un surprise que quelqu'un lui a organisé. Puis là, on focus sur un gars qui a un cadeau dans les mains. Mais non, c'est sa blonde, une belle fille, qui vient l'embrasser, là, tu sais, vraiment, okay. Là, un gros French, là. Fait que, et moi, quand je l'ai vu hier, j'ai fait « Bark! » J'ai fait, je te dis... fait un saut. J'ai fait le saut. Parce que tu t'y attendais pas. C'est ça, puis c'est pas parce que je suis... Tu sais, gars, je vais dire encore une phrase. C'est pas parce que je suis homophobe, parce que j'en ai des amis. Non, mais tu comprends, c'est pas... J'ai fait le saut. J'aurais vu deux chiens qui se prennent, j'aurais fait la même affaire. J'aurais vu peut-être deux... Non, non, mais tu comprends. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est la surprise. Tu l'attendais juste pas, ce punch-là. C'est ça.